L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou internationale. Je suis Melissa Suarez del Real, très contente de vous accueillir de nouveau dans cette émission diffusée directement depuis Jukapo, la capitale de notre île, grâce à l'énergie produite par 45 écureuils qui courent sans cesse dans le jardin du Palais Royal. Aujourd'hui, on va commencer avec une série d'émissions dédié spécialement aux personnages scientifiques et technologiques qui ont développé des connaissances et des outils techniques pour notre pays. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer notre série d'émissions avec un programme consacré entièrement à la docteure Ella Bazin. La docteure Ella Bazin, en fait, a été la première femme à recevoir la distinction scientifique la plus célèbre du Pokajou, appelée le laton de fil de fer. Ella Bazin a été née en 1951 à Jukapo, la capitale de l'île. Elle a commencé ses études dans les années 50 et elle a commencé à s'intéresser pour la batterie et les percussions. Mais bon, malheureusement, elle n'a pas réussi à faire de la musique sa carrière. En fait, elle est devenue une chercheuse de l'Institut du développement musical parce qu'il voulait justement développer un métronome pour les musiciens qui ne sont pas capables de jouer en temps, un compas, en rythme. Et qui avaient du mal d'abord à rester en compas avec d'autres musiciens et qui d'ailleurs ont du mal à l'accepter publiquement. Elle-même, depuis son enfance, souffrait d'un syndrome qu'on connaît à Pokajou comme le syndrome du batteur solitaire. C'est un problème en fait de manque de rythme qui a empêché à la docteure Bazin de faire de la percussion une carrière professionnelle. Donc finalement, avec du mal vraiment, elle a décidé de se consacrer à la musique, mais d'une façon indirecte pour créer un jour peut-être un dispositif technologique qui lui permettrait de jouer de la batterie en synchronie tout en cachant le fait qu'elle était incapable de jouer un compas. Au début de sa recherche, elle essayait d'utiliser la même technologie des métronomes parce qu'en fait c'était déjà quelque chose développé qu'elle pouvait s'en servir. Mais pour pouvoir cacher dans le corps de musiciens souffrant du syndrome du batteur solitaire, elle a dû créer des dispositifs minuscules qui d'ailleurs marquaient le rythme avec des vibrations sur le corps des musiciens, quelque chose de vraiment inédit à l'époque. Donc, ces petits dispositifs étaient très faciles à cacher et à suivre par les musiciens, même dans les conditions sonores les plus challenging. Bientôt, Ella Bazin a commencé à fabriquer son petit compagnon, comme cette prothèse a été appelée, parce qu'elle essayait de soigner le syndrome justement du batteur solitaire. Les commandes étaient chaque fois plus nombreuses, et parce que la nouvelle s'était répandue très rapidement partout dans le monde. Donc, bientôt, l'Institut du développement musical a commencé à recevoir des commandes depuis les pays les plus éloignés, même de l'Amérique, de l'Afrique, et bon, bref, partout dans le monde. Puisqu'il s'agissait d'un dispositif très simple, les genres de musique aussi assez simples se sont développés davantage grâce à ce petit appareil. Parmi les musiciens qui ont utilisé ce premier petit compagnon dans les années 60, on peut trouver le batteur du groupe de garage indonésien Orkes Ragam Suara. Oh, Mélissa Suarez El Real, on est de retour à la Radio Pocahontas International, une émission diffusée en direct depuis Jucapo, capitale du Pocahontas. Aujourd'hui, on a voulu dédier notre émission à la docteure Ella Bazan, pionnière de la nanotechnologie pocahontienne. Comme on vous a raconté tout à l'heure, la docteure Bazan a créé un tout petit dispositif appelé le Petit Compagnon, qui avait comme but d'aider les personnes qui souffraient du syndrome du batteur solitaire, c'est-à-dire des personnes qui étaient incapables de suivre régulièrement un compas et qui empêchaient pas mal de musiciens de continuer avec sa carrière d'une façon plus professionnelle. Ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure s'appelle Ramajadara. Et même si on trouve son rythme assez simple, c'était grâce au développement technique de la docteure Ella Bazan que ce disque a pu être enregistré en Indonésie dans les années 60. Donc, ce petit compagnon était une espèce de micrométronome qui se posait sur le corps des musiciens, qui émettait des vibrations qui aidaient aux musiciens à suivre le compas, le rythme d'une chanson. Mais même si cette technologie était très innovante, les rythmes plus complexes de la musique latino-américaine, par exemple, que la docteure Bazan aimait tellement, ont posé des graves problèmes. Pour un appareil plus puissant, il fallait aussi construire une carcasse plus grande et plus encombrante d'ailleurs. Donc le défi de la docteure Bazan, cette fois-ci et avec une équipe assez large, était de créer un tout petit métronome capable de marquer toutes les formes rythmiques qui à la fois pouvaient être déguisées dans le corps des musiciens. La musique latine, bien sûr, a été une source d'inspiration et de défi pour cette chercheuse. Mais finalement, elle a trouvé l'inspiration dans le cha-cha-cha qu'on va entendre tout de suite. L'idée d'un dispositif rythmique capable d'être mise dans le corps des musiciens et capable de réagir à la musique externe a donné à la docteure Bazan l'envie de travailler en collaboration avec les chercheurs du département de cardiologie de l'hôpital central de Pocahontas. Selon les membres de son équipe à l'époque et selon les témoignages trouvés dans de nombreuses interviews où elle apparaît, la chanson El Meneito, qu'on va entendre tout de suite, a beaucoup inspiré son travail. L'idée d'une cadence à sa façon, comme le chanteur de El Meneito dit, a été la clé vraiment pour la création qui a rendu la docteure Bazan célèbre. Voici El Meneito du musicien Pérez Pérez. Yo me divierto y lo hago a mi manera, bailando el son de un modo cadencioso, el son montuno no es más rico, más sabroso, y te defiendes con él mucho mejor. Bailando suave se dicen muchas cosas, junto a la sien de alguna damisela, que se estremece al sentirse enamorada, solicitada con fuego de pasión. Baila jovencito el cha-cha-cha, baila y desperdicia tu vigor. Baila locamente sin maldad, pero sin el goce del amor. Que yo sigo aquí en mi ladrillito y mi rincón, apretando siempre sin más consideración. Sigue sin malicia tú perdiendo la ocasión, yo con mi experiencia arrebatando con el sol. Déjame a mí con mi son, sigue tú dando saltos con tu cha cha cha, mi cariñito. Déjame a mí con mi son, sigue tú dando saltos con tu cha cha cha, mira qué rico. Déjame a mí con mi son, sigue tú dando saltos con tu cha cha cha, qué delicioso. Déjame a mí con mi son, sigue tú dando saltos con tu cha cha cha, ay qué sabroso. Déjame a mí con mi son, pero qué bueno, qué bueno. Déjame a mí con qué mi delicioso son, sabroso. Déjame a mí con mi son, mira qué rico mi nena. Déjame a mí con mi son, a ir bailando el son. Déjame a mí con mi son, ay mi son retoso. Déjame a mí con mi son, ay rico son sabroso. Déjame a mí con mi son, ay mi cariño qué dulce. Déjame a mí con mi son, qué rico son sabroso. Écoutez le célèbre Pérez Prado avec El Meneito, une chanson qui parle du mouvement et du rythme. Cette chanson a beaucoup inspiré la Dr Bazin pour la création de son dispositif rythmique le plus célèbre. Le dispositif à créer devait aussi être utile pour les personnes incapables de suivre le rythme au moment de danser. À Pocahou, bien sûr, la danse joue un rôle très important. Et les personnes incapables de danser avaient vraiment un handicap social partout dans notre île. Donc, cette collaboration avec le département de cardiologie a finalement donné comme résultat la création du cœur doré, un tout petit dispositif qui peut être installé à l'intérieur du corps humain ou qui, par contre, peut rester simplement accroché à la poitrine. Ce dispositif, en dépit de sa taille minuscule, capte le son de l'environnement et calcule le compas, c'est-à-dire le rythme. Après quelques nanosecondes, il interprète ce rythme au travers des vibrations assez puissantes qui permettent aux musiciens ou danseurs d'incorporer le rythme directement dans son corps. Il s'agit vraiment d'une prouesse technologique, musicale et médicale. Et c'est pour ça que ce dispositif a été appelé Heart of Gold, le cœur doré. C'est aussi la raison pour laquelle la Dr Bazin a été lauréate avec l'atome de fil en fer, la distinction la plus importante dans les domaines de la science à Pocahou. Et ça fait justement quelques mois que la chanteuse et celliste Leila Makala a dédié le premier morceau de son disque Very Colored Song à ce dispositif. Ce qu'on va entendre tout de suite s'appelle donc Heart of Gold. Je m'appelle Melissa Suarez El Real. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle émission de Radio Pocahou International. À la prochaine. If I had a heart of gold, as some folks I know, I'd up and sell my heart of gold and head north with the dough. It's not even lead. It's made of clay, no Georgia clay, and that's why my heart is red.